Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord du TER Rhône-Alpes à destination d'Ambérieu. Il desservira Miribel, Saint-Maurice-de-Bénaud, Bénaud, Montluel, La Valbonne, Meximieux, Pérouges. Prochain arrêt, Bénaud.